Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 28e émission, nous avons le plaisir de recevoir Dieudonné. Dieudonné, bonjour. Bonjour, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est d'autant plus aimable de votre part que vous êtes actuellement en tournée à travers toute la France avec votre spectacle En Paix. Vous serez d'ailleurs le 19 mars en Guadeloupe, le 2 avril à Châlons-en-Champagne, les 9 et 10 avril à Lyon, puis à Toulouse, Pau, Chambéry, Mâcon, Dijon, Bordeaux. Vous remplissez les Zéniths de France malgré le boycott des médias. Nous allons en parler tout de suite. Vous vous produisez également au Théâtre de la Main d'Or à Paris les jeudis, vendredis et samedis avec deux représentations par soir. Dieudonné, vous êtes avant tout un travailleur acharné. Mais avant de parler de tout ça, laissez-moi indiquer à nos auditeurs que je suis accompagné, comme chaque semaine, de mon partenaire animateur Xavier, de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Xavier, Dieudonné, avant de commencer cette émission, je vous propose que nous écoutions la bande-annonce du spectacle En Paix. Ce qui est l'oreille musicale. Spectacle totalement différent de ce qu'il fait d'habitude, mais avec des petites allusions assez sympathiques. Non, franchement, ça reste le maître dans ce qu'il sait faire et j'espère le revoir très très très prochainement en tout cas. Il faut absolument venir le voir, c'est un de ses meilleurs spectacles, je pense, très très bon. Je m'en vais, qui en paix. Tu arrêtes pour faire quoi? Mais pour faire ce que je veux, j'étais d'abord pas rien. J'arrête, tu commences ce spectacle, tu commences à casser les couilles. Non mais je suis en paix, mais il y a des limites. C'est une bonne finalité et vraiment c'est en paix. Il est plus retourné sur ses fondamentaux, sur des personnages que tout le monde a aimés. On rencontre aussi des gens super, ça qui est bien dans les spectacles, parce que durant l'attente, on parle avec de nombreuses personnes qui sont tous différentes des unes des autres. Et donc ce mélange hétéroclite, c'est agréable. Nickel. Et le gars est trop loin, il est trop fort. Franchement, je suis tombé par terre. C'était émouvant, genre quand il disait qu'il allait arrêter, quoi. Mais bon, on a bien rigolé. Le pardon, évidemment, la plus belle des choses qui soit. La femme qui pardonne à l'homme, qui pardonne à la femme, le noir qui pardonne au blanc, le blanc au noir, le peau rouge au visage pâle, le japonais qui pardonne Hiroshima, le palestinien qui pardonne au monde. J'ai trouvé le spectacle incroyable. Il est comme d'habitude, Dieudo est drôle. Même sur des sujets qui sont délicats, voilà, on a fait nous 600 bornes pour venir le voir. Donc on repart demain, on est déjà venu l'an passé, on l'a vu à Nyon. Je suis dans le DVD de Nyon d'ailleurs, de Asuzoa, donc ça me fait plaisir d'être là. Voilà, je suis content d'avoir fait autant de kilomètres pour venir et c'est dommage que ce soit le dernier parce que je serais bien revenu l'année prochaine. Ah nickel, ouais, super, première fois et puis sûrement pas la dernière. Et puis en espérant que ce ne soit pas le dernier parce que comme il dit, c'est pas bon. Hein. Super. Super, franchement les gars, venez tous le voir, c'est... Waouh. C'est toujours des gens sérieux qui nous entraînent vers la guerre, toujours. Toujours un mec... L'homme sérieux est handicapé par son arrogance, c'est un handicap très lourd. Je dirais même que la tétraplégie, c'est plus léger. Parce que je vous explique. Ah, c'est vraiment l'apothéose celui-là, il est super, hein. Enfin, j'ai rigolé tout le temps, donc voilà. Franchement, venez, parce que si c'est le dernier, ce serait vraiment dommage de ne pas l'avoir vu en vrai. Ceux qui n'ont pas encore vu le spectacle, ils connaissent déjà, ben, venez le voir, ça fait vraiment du bien et on en sort ravis. Alors Dieudonné, est-ce que c'est vraiment votre dernier spectacle? Bon, déjà, il faut savoir que tous mes spectacles, je les aborde comme si c'était les derniers. Mais celui-là particulièrement, parce que j'ai la sensation que la paix ponctue le parcours, le chemin de l'humoriste. C'est rire en paix, je pense que c'est de toute façon une bonne fin. J'avais prévu de rester de toute façon sur scène jusqu'à la fin 2017. Donc je vais me lancer dans quelque chose qui va être un peu différent, des performances artistiques à partir du mois de mai, et puis passer le relais à d'autres générations, intégrer un peu plus Internet aussi, qui est un espace messianique pour moi, fou, c'est grâce à Internet que j'ai réussi à poursuivre cette activité sur scène. Et plus largement, j'ai pu m'émanciper de cet ancien monde. Donc, je crois que les spectacles que je vais mettre, que je vais faire, ça sera plus vraiment des spectacles, mais des performances. Mais effectivement, je vais évoluer dans les deux ans qui viennent. Alors justement, Dieudonné, vous dites dans votre dernière vidéo qu'une révolution est en train de s'opérer sur Internet. Plus besoin de radio, de télé, d'affichage pour remplir un zénith. Les gens, vous dites, sont attirés par l'authenticité, la vérité. Et à ce titre, l'ancien monde est en train de mourir, ce sont vos propres mots. Pourtant, Dieudo, vous êtes persécuté. Alain Soral l'est aussi. La pression est de plus en plus grande. La censure est jamais loin. Malgré tout cela, vous gardez espoir. Bah, on est dans une période charnière, sans aucun doute. Et je crois que notre génération a assumé effectivement ce changement. Il s'accroche, là on le voit en fait, les gouvernants, il y a pas une semaine où il n'y a pas des contestations. Puis on voit bien sur Internet qu'ils sont en train de perdre le terrain et le contact avec l'opinion publique. Tout ce que l'on voit, tout ce que l'on constate, c'est leur imposture, chaque jour un peu plus grande. Donc je crois qu'on a un outil qui est à la fois un espace qui s'est ouvert, infini, qui est l'Internet, avec le meilleur et le pire de l'histoire de l'homme. Je pense qu'ils l'ont laissé se mettre en place parce qu'ils nous contrôlent un peu mieux chaque jour avec cet outil-là, mais nous les contrôlons aussi un peu mieux et nous contrôlons surtout qui ils sont, leur action. Je crois que demain, il est évident que le monde va changer, que l'on pourra voyager virtuellement dans l'Internet, rentrer dans un tribunal et regarder, écouter les procès qui normalement sont publics, donc pourquoi pas accessibles sur Internet. Pareil pour ce qui sera des conseils des ministres, des devis entre les mairies et les sociétés privées. On aura accès à tout puisque je crois qu'on a maintenant l'outil qui le permet. Et donc le monde entier va changer. Là, on parlait au départ de mes spectacles, et je suis en contact avec les responsables des Zéniths, qui, il y a encore 2 ans, n'y croyaient pas du tout. Ils me disaient que c'est pas possible, vous pourrez pas remplir ces salles. Et puis maintenant, on discute et ils me disent bon bah c'est incroyable, ça change. Tout est en train de changer, tout est en train d'évoluer. Il y a des métiers qui disparaissent. Je pense notamment aux promoteurs locaux, ceux qui affichent, ceux qui font la promotion, les radios, tout ça. Ça n'a plus aucune espèce d'influence sur le remplissage, au contraire. Donc, eux-mêmes sont contents de m'avoir. Ils m'ont dit, là, récemment, ils se sont confiés à moi, certains responsables, en me disant que j'étais la meilleure opération de l'année pour eux. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où, en plus... nous leur faisons gagner de l'argent, tout d'un coup, tout est en train de changer, tout est en train d'évoluer, et c'est irrémédiable. Donc moi, je suis très optimiste, mais je crois que certaines personnes, dont moi, Alain Soral, nous sommes un peu les martyrs de ce changement, quoi. Nous sommes... ils font tous... Je crois qu'ils se sont focalisés sur nous, alors que nous ne sommes que... Le baromètre de ce changement. C'est-à-dire que c'est pas en cassant le baromètre qu'ils vont baisser la température. Mais effectivement, peut-être que l'opinion publique avait besoin à un moment donné de guide. Et nous avons été pendant un temps ces gens qui sortent du champ de canne à sucre, du champ des esclaves, et puis on s'est évadé, quoi. Et là, effectivement, maintenant, on n'a plus besoin d'eux. C'est pour ça que quand je vois des partis politiques se plaindre de ne pas avoir accès aux chaînes de télé, c'est terminé. Je comprends pas, d'ailleurs, que les gens, des partis politiques puissent se plaindre de ne pas avoir accès à l'information. Ils ont qu'à parler sur Internet et faire ce qu'on fait. D'ailleurs, ça marche très bien. Et le monde de l'information de l'ancien monde est terminé. Il faut surtout pas le soutenir. Aller faire les émissions sur le service public aujourd'hui, ou sur TF1, bon, peu importe, Canal+, BFM TV, c'est les soutenir, c'est leur apporter du contenu. Il faut pas le faire. Enfin, moi, en tout cas, je suis là aujourd'hui, mais j'ai été invité un petit peu à droite à gauche. Il y a juste une télé, Arte, qui s'est déplacée à Montpellier la semaine dernière. c'était des Allemands, alors j'étais curieux de voir, c'était amusant. Ils étaient intéressants, mais bon, le sujet, l'antisémitisme en Europe, enfin, en allemand, tout ça. Donc, c'était amusant. Et alors, je lui ai expliqué, je comprenais bien qu'il était traumatisé par ce sujet. Lui, le descendant de nazi, j'imaginais qu'il avait un problème avec ça. Mais que, bon, c'est un sujet qui n'était pas une priorité chez moi. On pouvait parler de la paix, mais on sentait qu'il était, il était complètement traumatisé, quoi. Il était... Et ce monde-là, il n'est pas dans le courant naturel des choses. Il est fini. Mais moi, je l'observe. Alors, j'ai survécu grâce à cet espace incroyable de l'Internet, professionnellement. Et aujourd'hui, je vois que, bon, c'est parti. C'est parti. C'est formidable parce que sur Internet, c'est le talent qui fédère. Ce n'est plus simplement des stratégies de propagande. Et donc les gens vont là où ils ont envie d'aller. Et eux, l'ancien système n'a plus de talent parce que pendant des années, voire peut-être même des siècles, je sais pas, la promotion s'est faite par la médiocrité, par le mensonge et la fourberie. Donc, il suffit de voir Hollande, enfin tous ceux, le triste individu qui était face à toi, ça n'a aucun sens en fait. Ils n'intéressent personne dans la réalité. Ils nous sont imposés depuis longtemps et aujourd'hui, bon, ben ça paraît évident. On n'a plus à les regarder. Et à partir du moment où chacun aura pris conscience de cela, et je pense que c'est en train de se faire, ça sera terminé. Et d'ailleurs, Dieudonné, est-ce que vous ne pensez pas que pour être en paix, il faut être deux? Oui. Or là, ceux d'en face, manifestement, ne veulent pas la paix. Alors, la paix, effectivement, j'en parle dans le spectacle. Je parle avant tout de paix intérieure. Au départ, c'est par cette paix intérieure que l'on peut envisager la paix avec l'autre. Il y a cette phrase de Jean Cardenel j'en parle aussi dans le spectacle à un moment donné. Il est long le chemin qui conduit à l'autre, mais c'est le plus court chemin qui conduit à soi-même. Donc, une fois qu'on a fait la paix en soi, je pense qu'on est, on est en condition, en situation pour pouvoir envisager la paix avec l'autre. Tu l'as très bien fait d'ailleurs et démontré dans ce face-à-face que tu avais avec, je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai déjà oublié son nom, tu vois. Moi aussi. On l'a déjà oublié, parce que c'est ça la réalité, c'est-à-dire nous n'avons pas à nous souvenir de la médiocrité de ce monde, essayons d'aller... C'est Nougaro qui me disait, tu sais Dieudo, maintenant que je vieillis, maintenant je me souviens de ces phrases, de ces gens qui m'ont inspiré, et il me disait, on est des gangsters de la beauté, c'est-à-dire que... C'est vrai que, bon, lui, par les mots et par la poésie, bon, moi, c'est par un autre vecteur, le rire, mais finalement, voilà, occupons-nous de ce qui est beau et de la beauté de ce monde. Et c'est vrai que l'ancien monde est particulièrement à vomir, dégueulasse, quoi. C'est pas beau, c'est vulgaire, c'est médiocre. Et je crois que la France, en tout cas, dans son histoire, artistique en tout cas, à ce génie que de rebondir et de trouver à un moment donné la beauté, la grâce. Et on en est loin. Où se trouve la sagesse aujourd'hui en France? C'est pas possible. Où se trouve la beauté, le sens du beau, quoi? C'est impressionnant de voir à quel point c'est le pays qui a été le phare de toute une civilisation pendant une période très longue, et ben, est devenu... C'est le chaos, c'est le foutoir, en tout cas en termes d'exigence artistique et de perfection. C'est beau. Non, c'est un peu chiant, mais c'est parce que j'essaye de en faire rire, c'est aussi travailler sur les tabous, sur la situation et en fait je me réserve des espaces de rigolade quand même régulièrement, mais j'essaye de travailler le plus sérieusement possible. Là, on parlait de ce remplissage de salles et tout ça. Il faut savoir que je joue deux fois au Théâtre de la Main d'Or pendant 6 mois. Je dois jouer à peu près 3-4 fois plus que les autres. Donc, si je suis aujourd'hui meilleur, selon l'opinion publique, c'est aussi parce que j'ai énormément travaillé. Et c'est surtout ça. C'est, les autres ne font plus rien. Et puis plus ils avancent en âge, et moins ils travaillent. Et plus ils ont peur de faire autre chose de ce qu'ils font. Donc ils refont des vieux sketchs. Bon, ils s'en sortent jamais, en fait. Ils sont bourgeoises. Alors que faire rire, c'est être en risque. Et grâce à Internet, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que... Il n'y a plus de Michel Drucker, de tout ça, de ces gens-là. Moi, j'ai commencé avec Ellie et on se posait pas la question de savoir s'il fallait aller chez Michel Drucker. C'était une sorte d'objectif. Et aujourd'hui, je suis très content. Je n'irai plus. Ou éventuellement, il viendra dans mon bureau pour nous raconter, parce que je crois qu'il fait son one-man show en ce moment et que c'est très dur. Et parce que son monde est fini. C'est terminé. Donc un jour peut-être il sera ici, il vous parlera simplement pour parce qu'il aura à raconter en fait l'imposture qu'il a portée lui aussi. Tous ces gens, quand je vois les remises de prix des Césars, tout ça, nous on a fait avec le bal de Quenelle une parodie de ça et on s'en amuse, mais c'est de plus en plus pathétique, c'est de plus en plus ignoble. C'est-à-dire le cinéma français. Ce monde, quoi, de mensonges qui n'est absolument pas en réalité soutenu par l'opinion publique de l'Internet, on le voit. Donc, comment se fait-il que ça continue? Combien de temps? En tout cas, moi, je suis bien content de pu en faire partie. Parce que malgré tout, on a vu la répression qui a été faite à l'égard de ceux qui faisaient des quenelles. D'ailleurs, on peut dire, je ne sais pas si vous partagez cette analyse, mais le mouvement que vous aviez initié des quenelliers, c'est plutôt essoufflé. Les gens ont peur maintenant de faire des quenelles, puisque au travail, tout de suite, ils sont désignés. Puis, il y a eu une pression qui a été mise, il y a des procès en cours sur ce geste d'émancipation extraordinaire de la quenelle, mais il ne faut pas croire qu'il y en a moins. Nous, on en reçoit toujours plus. Et il y a eu la quenelle faite à Manuel Valls, là, qui était extraordinaire, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y en a une la semaine dernière qui a été faite à François Hollande. Donc régulièrement, on a des jeunes gens, visage découvert, qui n'hésitent pas, des policiers, des militaires, bon, certains ont été effectivement réprimandés, mais ça revient en force. C'est-à-dire que il y a eu un moment donné de terreur. Bon, ils ont sorti la grosse artillerie, c'était les procès, renvoyer les gens. Il y a eu des lettres internes, des notes internes. Enfin, c'était arrivé à un niveau, si vous voulez, la quenelle, où je me souviens, je pense que l'apogée, ça a été le jour où deux gardiens de prison se sont fait réprimander pour avoir fait un geste de la quenelle, et ils ont été soutenus par les détenus. Aussi ont glissé une quenelle. Donc on avait des quenelles des deux côtés de la porte blindée. Et c'est là où on se rend compte de la puissance de ce que révèle ce geste, c'est la liberté, c'est s'émanciper de ce monde qui n'existe pas réellement. En plus, c'est ça qui est fou, c'est que... les quelques partis politiques qui dirigent ce pays ont finalement entre 60 000, 100 000, 200 000 adhérents, et encore, ils trichent. Et on voit bien que sur Internet, c'est très facile de faire plus que ça, et de rassembler plus de monde. Donc le jeu politique est verrouillé, le vote électronique, bientôt, t'auras plus besoin juste de penser, ils feront les comptes. Donc on voit bien qu'ils ne peuvent plus... Ils ne peuvent plus faire autrement que de faire des attentats et puis mettre des flics dans la rue. Enfin, de faire des attentats. Je ne sais pas si c'est... Encore une fois, ils peuvent profiter, on va dire, des attentats et surfer sur cette... Alimenter les réseaux qui font qu'aujourd'hui, on est dans cette situation. Ce qui est quand même incroyable quand on voit Hollande qui remet... Le fion de hamster, la Légion d'honneur, un prince arabe, d'Arabie Saoudite, c'est extraordinaire. C'est... Je pense que c'est le genre de choses qu'ils pouvaient faire jusqu'à présent, mais qu'ils ne peuvent plus faire. Mais ils ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'on les regarde, ils ne savent pas que les images tournent, ils ne savent pas que les gens arrêtent de regarder les infos. Pour regarder Internet, chercher leur info, je crois qu'ils n'ont pas perçu encore ce changement, et qui pour moi est un changement que même moi, je pense qu'on en est encore à... Pourtant, je vis de manière quotidienne dans cet univers, mais je pense qu'on est à l'âge de pierre de ce que sera la conscience et de ce que sera le monde dans peu de temps, où finalement, la virtualité de l'Internet va rejoindre celle de l'ancien monde et on va passer dans quelque chose de... Artistiquement, c'est très intéressant, c'est très porteur. Et quand on voit le sort qu'ils ont réservé, par exemple, à Hugo Chavez, Thomas Sankara, Lumumba, ou même Coluche, est-ce que vous n'avez pas peur, vous, de vous faire assassiner un jour ? La question de la peur, c'est une question importante. Non, je n'ai pas peur. Je ne suis pas... ça me paraît... ce qui me fait peur, ce serait de collaborer. Ce serait d'être à ce point désespéré de renoncer. Ça fait peur, cette idée. Maintenant, l'idée d'être supprimé parce que ma liberté dérange, je ne serais pas responsable, évidemment, de cette... je subirais cette action, mais ça sera plus confortable que la collaboration. De toute façon. Donc, je n'ai pas peur, non, j'ai pas... Et puis, je crois que, de toute façon, l'histoire s'écrit et que ce serait me donner beaucoup d'importance dans l'histoire que de s'en prendre à moi maintenant. Mais bon, si c'est mon destin, il y aura des rues qui porteront mon nom un jour, des rues virtuelles peut-être sur Internet, mais c'est de s'en prendre à l'humoriste et au bouffon. Mais je suis conscient, quand même, en me retournant maintenant, 50 ans, sur le travail et le parcours accompli, que j'ai écrit une part de cette histoire de mon travail, quoi, de l'humoriste en France. Le bus, jouer dans des bus, après avoir joué dans des zéniths, puis des bus, puis chercher la liberté et emmener avec moi, derrière moi, tous ces gens. Mais vous me comparez à Coluche. Évidemment, c'est celui qui m'a inspiré le plus, c'est lui qui a changé vraiment ce métier-là, la façon de faire rire le grand public. Mais je crois c'est encore autre chose, c'est encore différent. Je crois qu'on est arrivé là, avec Internet, encore une fois, Coluche n'avait aucune liberté en réalité. Il avait un producteur, il y avait des chaînes de télé, qu'est-ce qu'il voulait faire ? Qu'est-ce qu'il pouvait faire ? Pour être entendu, il fallait qu'il fasse une émission sur Europe 1. C'est quoi ? Travailler avec El Kabash, c'est impossible. Je l'ai croisé, cet homme. Il fait ce qu'il a à faire. Et il sert les intérêts de ceux qu'il a envie de servir. Mais aujourd'hui, j'ai la sensation, moi, sur Internet, d'être vraiment libre. Et ça, cette sensation-là, les Coluche, personne n'a pu avoir cet outil-là, personne. Ils étaient complètement prisonniers et ils étaient dans un compromis. Ils avaient encore des producteurs, ils se faisaient peur en faisant de blagues comme ça de temps en temps. Mais il a été héroïque pour ça. Mais je crois que moi, je suis arrivé à un moment où, ouais, là, l'inspiration poussée par un vent de liberté là était beaucoup plus forte, quoi. Ce qui fait que quand je regarde les sketchs Coluche aujourd'hui, c'était le début. Après, il y a les Inconnus aussi. Et puis après il y a eu Internet. Et là, il n'y a plus de France Télévisions, il n'y a plus de... Et on rigole... dans certaines vidéos, là, je vais partir, tu le disais, en Guadeloupe. Et c'est extraordinaire ce qui va se passer là-bas à partir du 19 mars. Parce que j'ai été poursuivi en justice pour un spectacle, La Bête Immonde. Et dans lequel je mets en scène la traite des Noirs. Et je fais un parallèle avec... c'est avec ce que l'on voit un peu partout, ce fameux devoir de mémoire. Donc je fais le parallèle entre ce qui se passe à Walt Disney là, sur le devoir de mémoire de, par rapport au génocide des Indiens d'Amérique. Donc avec ce spectacle extraordinaire, Wild Wild West, je sais pas comment ça s'appelle, Disney, et Auschwitz. Je fais un parallèle entre les deux, les deux événements, ces deux devoirs de mémoire. Et donc la justice décide, ils ont décidé, non, c'est trop, c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça. Bon, alors on va voir. Et d'autant, et là, tout le point de départ de ce sketch, je m'interroge sur la famille Ayotte, propriétaire de la moitié de la Martinique aujourd'hui. Ayotte, qui est un juif hollandais au départ, qui à la fin du XVIIe siècle s'est installé en Guadeloupe et puis a exercé ce commerce des Noirs. Il a été un propriétaire d'esclaves. Et donc c'est extraordinaire. Je vais arriver là-bas, aux Antilles, avec le parquet, le ministère public, qui me condamne pour dire la vérité. Pour avoir dit, bon, ben oui, effectivement, la famille Ayotte et le rôle de certains commerçants juifs dans la traite des Noirs était quelque chose de... Ben, il faut en parler, quoi. Moi, je suis pas là pour culpabiliser quiconque. Je suis juste là pour avoir... étant moi-même descendant des deux côtés, quelque part. Donc, j'ai pas de souci avec l'idée de vouloir culpabiliser tel ou tel... mais juste avoir accès simplement à cette vérité-là. Et là, le fait que le parquet... le parquet à qui j'avais envoyé le spectacle un an avant... Peu importe. Et donc, il y avait une sorte de rescrit qui m'est refusé, le rescrit pénal. Et donc, là, le parquet a demandé 3 mois de prison avec sursis et 30 000 euros pour ce sketch. Mais c'est hallucinant. Et là, aux Antilles, on m'attend, la salle sera pleine et on va avoir à discuter. On va avoir à discuter. C'est-à-dire, comment se fait-il que nous ne puissions pas avoir accès à cette vérité gênante, je l'entends, mais et que de l'autre côté, on nous asphyxie avec un devoir de mémoire qui ne nous concerne pas. Comment ça se... Je sens que là-bas, il y a une partie de la population qui est très, très en demande de réponse sur cette question. Et je sais, je sens et je pressens qu'on est, il va y avoir un débat. Je m'étais fait agresser par 4 Israéliens à la Martinique il y a quelques années. Ils avaient été jetés en prison. Ça avait été assez dur, j'ai cru comprendre. Et ils avaient tenté d'étouffer l'affaire par tous les moyens. Et à ce moment-là, j'étais encore calme. Mais aujourd'hui, puisque ces 4 Israéliens étaient évidemment des amis, des descendants d'esclavagistes, puisque c'est tout un quartier entier de la Martinique qui leur est réservé. Et donc, cette question des béquets de Martinique, c'est vraiment une question centrale dans la gestion de cette imposture de l'antiracisme. C'est-à-dire, personne n'en parle, mais bon, comment se fait-il? Il n'y a que Jean-Marie Le Pen, d'ailleurs, qui courageusement, lors d'une élection, en avait parlé, a dit, c'est quand même étrange qu'on nous parle de devoirs de mémoire et les responsables et de ceux qui ont bénéficié et profité de ce commerce-là soient encore là et étalent leur fortune à qui ils veulent avoir. Et c'est drôle. C'est drôle que tous les partis de droite, de gauche collaborent avec ces individus. Encore une fois, les descendants d'esclavagistes n'ont pas de responsabilité, eux, mais leur fortune. Est-ce que ce serait possible que les enfants de Göring ou je ne sais pas qui possèdent la moitié de la Bavière? Ce serait étonnant. Non, mais je suis persuadé qu'il y aurait des voix qui diraient quand même, il faudrait peut-être... et ça, voilà le genre de questions, de débats qui va se mettre en place dans très peu de temps. Et je sens que... Alors là, ils veulent me faire interdire déjà, j'ai appris ça. Mais ça va être difficile, là. Ça va être difficile. C'est encore une fois Internet. C'est-à-dire, c'est... Je sais pas si vous avez vu dans une de mes vidéos les déclarations de la famille de Ayotte ou de la famille Damoiseau. C'est extraordinaire. C'est formidable. Et eux peuvent parler librement. Alain, qui fait 2-3 blagues... aujourd'hui, condamné à 50 000 euros, si vous faites le parallèle avec... enfin, moi aussi, hein. Mais si vous faites le parallèle dans les déclarations, vous dites, ouais, c'est vraiment marrant. C'est vraiment... extraordinaire, parce que là, c'est et tout ça, c'est vraiment, encore une fois, tout le travail que vous faites, vous, c'est votre génération qui allait certainement, à mon avis, exploser sur Internet, parce que la télé, ça va s'arrêter, et puis les gens vont venir écouter ce qu'ils ont envie d'entendre cette fois-ci, sans, voilà, certainement, moi, je vois mes salles se remplir d'année en année et je me dis que ça s'approche. Hein. J'étais dans un autocar il n'y a pas longtemps et maintenant c'est des zéniths, il faudra me construire des trucs plus grands. Donc, et c'est quand qu'ils vont commencer à se réveiller des stades. Mais ce serait formidable. Simplement de leur montrer que voilà, ils n'arrivent plus. Ils sont. Quand je vois Michel Drucker, là, il est en tournée là. Et qu'il nous raconte la vie de la télévision, c'est, ben ça montre bien, ouais, c'est ça, où est-ce qu'ils en sont. C'est un vieux chansonnier qui a joué la comédie pendant des années, puis qui essaye de... Mais c'était encore inimaginable il y a quelques temps qu'on puisse se retrouver dans cette situation. Et comment vous expliquez qu'il n'y ait pas plus de vos collègues qui franchissent le pas d'aller sur Internet ? Justement, retrouver cette liberté. Je pense que c'est pour ça que nous sommes harcelés. C'est pour dissuader ceux qui commencent à nous suivre, quoi. Et ils sont de plus en plus nombreux. Mais c'est vrai que on a la sensation. C'est pour ça qu'on montre beaucoup les images de ces succès en tournée, parce que. En fait, y a pas mal de gens qui disent « Ah bon, vous êtes encore là ? Mais vous n'êtes pas en prison ?» Parce que la propagande mensongère voudrait que je n'existe plus, que je ne sois plus sur scène ou qu'il n'y ait personne dans mes salles. Ça n'est pas la réalité, mais ils ont tellement envie que... Et ils ont tellement l'habitude que la réalité soit le fruit de leur manipulation que là, ça bloque. Et quand les salles sont pleines et avec les gens debout... Et bien là, ils n'ont pas de réponse. Dieudonné, laissez-moi informer nos auditeurs que Alain Soral vient de rentrer dans le studio. Il va nous rejoindre. Bonjour messieurs. Installez-vous, je vous en prie. Ah. Ça va ? Salut, ah, ouais. Ça va ? Ça fait plaisir de vous voir réunis tous les deux. Ah bah écoute... Oui, parce qu'il y a souvent des... C'est ça. Des bruits qui courent, des gens font courir. Il y a des gens qui essayent, ouais, de... C'est marrant de... Ils fabriquent des choses pour essayer de... C'est assez naïf, d'ailleurs, parce que c'est souvent mal fait, ça manque d'authenticité, mais c'est toujours, encore une fois, l'ancien système. C'est l'éternel divisé pour régner, je crois. Ouais. Mais par le mensonge et par le... mais bon, on l'a toujours dit, je pense, et Alain et moi... De toute façon, il y a un talent maintenant qui est fédéré par Internet, et ceux qui n'ont pas de talent sont des jaloux, la plupart, et qui c'est triste, ils ont des comportements qui sont... Bon, en tout cas, je crois qu'on a appris pas mal sur la nature humaine ces dernières années. Ouais, ouais. C'est garder un peu de fraîcheur et d'optimisme, ça demande un gros travail sur soi. On peut vraiment facilement sombrer dans le pessimisme et la noirceur célinienne. L'époque est propice. Ouais. Mais c'est étonnant parce qu'on a essayé pendant un certain temps, et bon, Alain était plutôt dans l'organisation d'essayer de fédérer tout ça. Et puis, on s'est aperçu qu'il y avait, énormément de problèmes, en fait, dans l'esprit de certains qui, je sais pas, étaient là pour des mauvaises raisons. Et c'est étonnant, hein, alors qu'ils avaient, tout comme nous d'ailleurs, des opportunités extraordinaires à pouvoir s'exprimer, ils se sont concentrés sur la volonté de détruire, en fait. C'est étonnant. Pour leur trouver une excuse, quand t'as quand même le système contre toi, il y en a qui rapidement se rendent compte, parce que d'abord on les approche, c'est la carotte et le bâton, que finalement pour exister dans ce qu'on a appelé la dissidence, à un moment donné, il est plus habile d'attaquer les autres membres de la dissidence en les trouvant pas assez dissidents, pas dissidents comme il faut, plutôt que de jouer l'union sacrée. Et je pense qu'il y en a certains qui s'en sont sortis comme ça, parce que je le sais pour l'avoir vérifié, hein, c'est pas une hypothèse, ils ont subi des pressions. Et on leur a fait comprendre qu'ils auraient le droit de continuer à faire leur petit business internet, à condition que ils attaquent les autres membres de la dissidence plutôt que de jouer l'Union sacrée. Donc il faut voir aussi que il y a un pouvoir très puissant qui spécule systématiquement à la baisse sur l'âme humaine, hein. Et c'est pour ça que le monde en ce moment est vraiment tiré vers le bas, c'est qu'on a des gens placés en haut qui, au lieu d'essayer de faire monter les gens, comme on l'a vu, je sais pas, quand Chavez essaye une vision un peu idéaliste même du Venezuela et du pouvoir du peuple, etc. Donc on peut imaginer qu'il y a des périodes où on tire vers le haut, même on peut penser à certains discours de Kennedy même, hein, à un moment donné, où on voit qu'il essaie de tirer le peuple américain vers le haut, on voit ce que ça lui a coûté, et puis des périodes vraiment où l'oligarchie est visiblement, sa stratégie est de tout tirer vers le bas systématiquement, de pousser à la trahison, à la délation, au mensonge, au déshonneur, etc. Et on a des exemples tous les jours. Et je pense qu'on vit de ce point de vue-là une époque tragique, où les belles âmes sont mises à rude épreuve et où il en reste finalement peu sur le champ de bataille, quoi. Et donc vous avancez ensemble, Réconciliation Nationale, ça en est où? Je sais que beaucoup d'auditeurs se posent la question. Ça a le mérite d'être là, et puis c'est-à-dire que je pense que beaucoup des gens qui nous écoutent ont compris que personnellement on était la cible d'une volonté d'extermination à tous les niveaux. Donc on doit se concentrer déjà pour pouvoir ne serait-ce que survivre. Bon, moi, c'est-à-dire que j'ai 100 procédures là, cette année, donc entre les arrêtés, entre les machins, enfin tout confondu, entre les contrôles, les machins, ça n'a absolument aucun sens. Mais Valls nous avait prévenu, il avait dit qu'il mettrait tous les moyens en place pour nous neutraliser. Les gens ne se rendent pas compte hein, de ça, de cette pression au quotidien. Moi, j'ai des saisies sur absolument toutes mes sources de revenus possibles et imaginables. Hein. Je suis saisie arrêt. Et puis, il faut voir que les condamnations, qui sont souvent des amendes, en plus de tout le reste, hein, parce qu'il y a des articles 700, il y a des dommages et intérêts, les amendes, en fait, sont des dettes à l'État. C'est-à-dire que c'est exactement comme si vous aviez des arriérés d'impôts. À un moment donné, c'est le Trésor qui vous poursuit pour dette, et il faut payer. Et moi, là, je le dis simplement et humblement, j'ai passé les 100 000 euros de dette au Trésor, là, qui ne sont que des condamnations pour délit d'opinion, c'est-à-dire pour des petites phrases qui sont souvent plus des phrases ironiques et pinces sans rire, jamais des phrases qui appellent à la violence. C'est ça qui est incroyable. La France est vraiment devenue une dictature. Mais en plus, ce qui est horrible, c'est que c'est pas une dictature de colonel, parce qu'à la limite, ça, c'est assez sain de résister à une dictature de colonel. On voit des brutes en uniforme. Là, c'est une dictature de couilles molles. C'est-à-dire qu'on est persécuté. Je pense que le symbole Aziza est parfait. On subit la persécution de gens qui, normalement, dans une vision, je dirais, traditionnelle du monde, sont tout en bas de l'échelle à la fois de la virilité et de la vertu. Et c'est assez horrible d'imaginer des lions persécutés par des têtards, quoi. C'est ça qu'on vit. Et je pense que nerveusement, c'est sans doute ça le plus dur. C'est ça, oui, on a vu Aziza qui peut se permettre d'agresser des journalistes dans la rue devant des policiers sans qu'il ne se passe pratiquement rien, en fait. Mais surtout un mec 55 qui donne des coups de poing à un type qui est militaire et qui aurait les moyens de le mettre hors combat en deux secondes, mais qui sait que si jamais il réagit, le monde politico-médiatique va lui tomber sur la tête. Et je pense que sa vie même sera mise en danger, parce que c'est ça le jeu. Hein. L'autre, il vient provoquer exprès pour qu'à un moment donné, il y ait un petit retour, et après, vous subissez une ratonnade quelques jours après. Je l'ai vécu plusieurs fois personnellement, ce genre de stratégie. Hein. Xavier ? Non, mais vu son état de haine dans la vidéo, c'est presque même inconscient chez lui. Non. Ça, à la limite, je veux pas aller scruter son âme. Non, mais c'est même pas sûr une que provocation. Le mot haine est bien voulu, choisi. Quoi. Ouais, mais moi je pense qu'il y a quand même un être collectif et que dans cette il faut bien comprendre que cette oligarchie qui nous écrase est un être collectif. Chacun a son rôle à jouer, hein, et c'est, je veux dire, implicite quelque part, comme une classe sociale. On a bien admis dans la sociologie que la bourgeoisie était une classe. Elle a une logique globale. C'est pas chaque bourgeois ne reproduit pas strictement le même rôle et chacun est à sa place et souvent même sans le savoir vraiment. Hein, il y a un inconscient de classe, il y a une logique de classe, il y a un intérêt de classe. Je crois qu'il y a une logique communautaire, un intérêt communautaire, une stratégie communautaire et chacun est à sa place. Et quand on a cette vision sociologique des choses, ça devient assez clair que chacun est à sa place. Bernard-Henri Lévy est à sa place, Aziza est à sa place, Finkielkraut est à sa place, Zemmour est à sa place, ils sont tous à leur place. Et comment vous voyez l'avenir tous les deux ? Je crois que les choses évoluent à une telle vitesse qu'il est difficile de savoir quand et comment ils vont, ce système va s'effondrer. Mais il va s'effondrer, pour moi c'est une évidence. Après, qu'est-ce qui va naître de cet effondrement? Bon. Faut se souvenir un peu de l'histoire de l'URSS, puisque c'est quelque chose qui est assez facilement consultable. L'URSS, dans les années 70, avait les pleins pouvoirs sur le peuple russe. Hein, il y avait la nomenklatura, etc. Et par la Pravda, c'est-à-dire par l'idéologie dominante, hein, on avait l'impression que ça tenait. En réalité, tout était rouillé, pourri de A à Z. Et puis, à un moment donné, c'est tombé tout seul, presque, et sans qu'on s'y attende. Et on est... Comme je le dis parfois quand on discute avec Dieudonné, parce qu'on discute souvent en privé, on n'est pas à l'abri à un moment donné d'une bonne surprise. Étant donné qu'on s'est préparé au pire et qu'on s'attend au pire, tout ce qui peut arriver d'un peu positif arrive de surcroît. En fait, il me semble que c'est la même vision qu'a Dieudonné. Nous, on fait un travail, je dirais, de témoignage et de résistance, je dirais, morale. On le fait parce qu'il faut le faire. Il n'y a pas de logique de gagner au départ. Il y a de logique que c'est pas possible de faire autrement. Il faut bien qu'il y ait, même pour les jeunes qui arrivent, des traces d'insoumission pour qu'ils puissent savoir et comprendre que c'est encore possible. Parce que c'est le principe que la petite flamme ne s'éteigne pas. Hein. Et puis, on a déjà gagné le combat de la postérité, je crois. C'est évident que justice nous sera rendue et que quand des gens s'intéresseront à la France entre les années 85 et 2020, ils verront que c'est une période objective d'effondrement et qu'il y a quelques personnes qui ont résisté ou tenu tête. Et nous serons parmi ces personnes, il n'y en a pas beaucoup. Donc déjà, on a gagné ce combat de la postérité. Et souvent, quand on réfléchit dans l'histoire, les gens qui ont mené des combats, on a mené des combats pour la postérité, en réalité. Hein. On cite Gramsci à tout bout de champ, on oublie qu'il a fait 25 ans de prison. Hein. Donc on est encore, nous, un peu dans la rigolade. Mandela, il a fini président pour des raisons de hasard de l'histoire, parce qu'il y a eu l'effondrement de l'URSS, hein, sinon il n'aurait jamais sorti de sa prison, parce que je vous rappelle que l'ANC, c'était communiste. Hein. Jusqu'à 26 ans et demi, pratiquement, il pense qu'il va finir sa vie en prison et qu'il sera le représentant de la dignité noire de l'Afrique du Sud. Puis à un moment donné, l'histoire bascule. Et là, c'est les hasards de l'histoire ou la logique hegélienne de l'histoire, la logique des contradictions qui s'exacerbent, etc. Mais je veux dire, nous, on fait pas de calcul de rentabilité. Parce que sinon, on n'y serait jamais allé. Moi, pourquoi je serais toujours solidaire de Dieudo, quoi qu'il arrive, c'est que le jour où il a fait mes excuses, c'est la première fois dans l'histoire que j'ai vu quelqu'un qui a fait même ce que Céline n'a pas osé faire d'une certaine manière, parce que Céline il s'est mis à parler des Chinois après, quand il est rentré. Hein. Pardon au peuple élu. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'un type qui se faisait botter le cul par la communauté toute puissante leur répondait sur un ton, d'insoumission radicale à la harakiri, quoi. Je dirais ça, même moi, ça m'a donné un espoir, parce que même moi, j'osais pas. Je veux dire, si on se rappelle de mon premier procès en 2004, j'avais adopté un profil semi-bas, hein, c'est-à-dire un pantalon mi-fesse, quoi. Hein, parce que on n'imaginait même pas que c'était possible autrement, ça faisait tellement de temps que personne n'avait osé. Et Dieudonné a osé. Voilà. Alors après, pourquoi? Peut-être qu'il a pensé qu'il avait le droit en tant que métisse venant de l'antifascisme, etc. Peut-être qu'il a péché par une forme de naïveté. Mais je crois que tous les héroïsmes au départ viennent d'une forme de naïveté. Et la naïveté est toujours de la générosité qui s'exprime. Alors, comme on vous a tous les deux, on voulait vous poser une question sur un événement important, le dernier livre de Bernard-Henri Lévy, que j'ai personnellement lu, et dedans il y a un chapitre qui s'appelle « La France juive », où il explique que les juifs ont fait la France. Ah, c'est pas la thèse de Drummond. Non. C'est la thèse de Bernard-Henri Lévy. Ça pourrait prêter à confusion, oui. Alors moi, je suis un assez bon spécialiste de Bernard-Henri Lévy, parce que si vous lisez mes bouquins, j'ai sorti plusieurs textes assez construits sur Bernard-Henri Lévy, où j'ai dit, tout le monde se fout de la gueule de Bernard-Henri Lévy en disant que c'est un faux intellectuel, parce que c'est vrai que ce qui est notoire, c'est que depuis le jour où il a commencé à ouvrir la bouche, qu'on peut dater de vers 1976-77, avec les nouveaux philosophes, qui étaient en fait le passage des intellectuels français à l'anticommunisme, on va dire primaire, mais enfin, des intellectuels de gauche à l'anticommunisme primaire, tout le monde a toujours dit Bernard-Henri Lévy est un abruti, et ce qui est dingue, c'est qu'il a été... vilipendé par Raymond Aron, par Claude Lévi-Strauss, par Derrida, c'est-à-dire par les grandes figures de l'intelligence juive de son époque. Donc il n'a aucune légitimité intellectuelle et son pouvoir est inversement proportionnel à son autorité intellectuelle. Ça, c'est une certitude. Même aux États-Unis, ils le prennent pour un guignol. Il y a eu l'affaire Botul, etc. Or, moi, j'ai toujours dit, c'est pas une bonne manière de voir les choses. Parce qu'en réalité, Bernard Lévy est un personnage de première importance en France parce que c'est le maître de l'idéologie dominante. Il est toujours à l'avant-garde de l'idéologie dominante et que chaque livre qu'il a sorti dans sa vie était pour donner le nouveau là, la nouvelle direction de l'idéologie dominante impériale, hein, c'est-à-dire américano-sioniste représentant le pouvoir oligarchique, etc., etc. Et si vous regardez bien, il a été le premier à dire qu'il fallait tourner le dos à l'URSS, au progressisme socialiste, avec l'idéologie du goulag. Hein. Il a été le premier à dire qu'il fallait oublier Solzhenitsyn quand Solzhenitsyn a affirmé qu'il n'était pas seulement anti-soviétique mais aussi néo-traditionaliste en soutenant les Vendéens, et chaque fois par des livres. Hein. Après, il s'est attaqué au dépeçage de la Yougoslavie. Il s'est attaqué récemment à la destruction des États arabes laïques avec la Libye. Et aujourd'hui, il sort un livre qui s'appelle « L'esprit du judaïsme », dont le contenu explicite, tu pourras le vérifier, est le destin manifeste des Juifs est de dominer le monde et les autres peuples pour leur bien. C'est un destin qui nous a été, dans lequel on est impliqué par Dieu directement, même si on ne l'a pas voulu. Donc c'est très ambigu, c'est-à-dire nous sommes le peuple élu malgré nous, mais nous devons le faire, et nous devons le faire pour votre bien. Ça, c'est le premier truc. C'est-à-dire, c'est plus l'idéologie des années précédentes où on disait il n'y a pas de communauté juive dominante, c'est un fantasme antisémite, il n'y a que des additions d'individus qui sont là dans la superstructure pour leur talent individuel, et en avoir une analyse collective serait de l'antisémitisme. Là, il dit bien, nous sommes une communauté qui a été mise sur terre pour dominer, c'est-à-dire, il appelle ça, je crois, le trésor des nations. Hein. Et après, la deuxième chapitre, c'est « Et la France, il est légitime que nous la dominions, pour votre bien, parce que c'est nous qui l'avons faite. » Et il va jusqu'à dire, le rabbin Rachi a inventé la langue française. C'est-à-dire que vous oubliez Rabelais, vous oubliez le roman de Renard, et en fait, la France est juive. Et c'est presque du Céline sans le talent, quoi. C'est vous avez vu le nez des Bourbons, quoi. Oui, bien sûr. De toute façon, il y a toujours un pont évident entre l'antisémitisme et l'hystérie philosémite à la Finkielkraut ou à la BHL. C'est la même version du monde, à part qu'il y en a un qui s'en réjouit et l'autre qui le déplore. Mais ça dit exactement la même chose. Hein. C'est ça qui est notoire. C'est ce que dit d'ailleurs Gilad Atzmon, c'est ce que dit Israël Shamir, c'est ce que disent tous les juifs honnêtes et intelligents qui ont déchiré le voile du tribalisme. Ils disent finalement, il n'y a aucune différence entre une certaine arrogance juive et une certaine de détestation antisémite. Simplement, certains se réjouissent et d'autres le déplorent. Voilà. Et là, Bernard Lévy nous donne l'idéologie dominante des années à venir, ce qui rejoint l'avant-garde de Valls. Et rappelez-vous que quand Valls dit ça, il a Bernard-Henri Lévy dans son dos. Hein. Il y a immédiatement derrière lui. Hein. L'avant-garde, hein, et l'arrière-garde. Les nations sœurs ou jumelles, je crois, Israël et France. BDS, condamné par la justice française. L'analogie maintenant stricte faite par un premier ministre entre antisémitisme et antisionisme, alors que Israël est en train de devenir objectivement non pas une nation laïque qui se justifie par des persécutions comme ça pouvait être justifiable ou compréhensible après-guerre, ou des laïcs qui fuient des persécutions nazies, puisqu'il y avait eu quand même une tentative de solution finale territoriale au moins sur l'Europe, disent on veut un pays à nous, une nation, c'est-à-dire être une nation comme les autres. À ce moment-là, il y a une possibilité d'être sioniste. Hein. Les Juifs ont droit à une nation comme les autres, etc. Et c'est en général, en apparence au moins, des laïcs. Là, on a un pays qui devient ouvertement un pays qui allie l'hystérie religieuse et le militarisme exacerbé, hein, c'est-à-dire c'est une coalition d'extrême droite qui n'est plus défendable par aucune idéologie de gauche. Hein. On a des religieux extrémistes et des militaires au pouvoir qui annoncent au nom de Dieu et de la saine violence, une purification ethnique assumée, hein, avec Gaza. Donc au moment où normalement tout le monde devrait être, israélo-critique, parce que l'antisionisme, on ne sait plus ce que ça veut dire, il se passe le processus inverse. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous scandalisez de ce qui se passe à Gaza, c'est de l'antisémitisme. Ce qui est effectivement aussi très dangereux et très réversible, parce que si c'est ça l'antisémitisme, il faut se poser des questions si l'antisémitisme c'est mal ou si c'est bien. Et que peut-être que finalement on ne nous avait pas bien expliqué et qu'on avait mal compris. Alors voilà, Bernard-Henri Lévy aujourd'hui nous montre la nouvelle voie à suivre, ce qui est de dire effectivement nous dominons la France, c'est pour votre bien, c'est notre destin manifeste, il est divin, et en plus il est vérifié par notre intelligence supérieure, nos prix Nobel, etc. Ça rejoint exactement la promesse biblique, hein. Et de toute façon ce pays est le nôtre, puisqu'effectivement ils emplissent tellement la superstructure que ça se voit, il n'est plus question de le nier, ce pays est le nôtre car nous l'avons inventé. Et il va jusqu'à dire l'onction des rois s'est copié sur les juifs, alors qu'on pourrait dire s'est copié sur les Égyptiens, hein, parce que tout ce que les juifs ont fait est de toute façon copié sur des peuples qui étaient là avant eux, essentiellement d'ailleurs les Égyptiens. Mais il dit voilà, le roi de France finalement c'est juif, la langue française, la langue vernaculaire qui fait qu'on passe du latin au français, c'est le rabbin Rashi, c'est juif, la révolution française c'est juif, les droits de l'homme c'est juif, il nous dit que tout ça est juif, ce qui rejoint exactement toutes les pires thèses d'extrême droite traditionnelle, hein, voilà. Donc on en est là aujourd'hui, c'est très malsain, très étrange. C'est un vrai passage en force. Oui, et puis c'est surtout un... Qu'est-ce que Bernard Lévy peut reprocher aux antisémites? C'est simplement de ne pas se réjouir d'un constat identique. C'est juste de déplorer et d'ailleurs, ce dont Bernard Lévy se réjouit. Aujourd'hui, il le reproche presque plus rien. C'est-à-dire qu'il dit qu'il reconnaît le talent, il reconnaît... Oui, il dit finalement, aujourd'hui, il y a des crétins... Alors qu'il y a 35 ans, quand il faisait l'idéologie française, il disait que c'était ce qui avait conduit au nazisme et ainsi de suite. Oui, de toute façon... Donc il y a un changement de braquet pour un passage en force. Non, mais ça, c'est traditionnel. Hein. On voit très bien, si on veut citer simplement Poutine ou Solzhenitsyn, que les Juifs ont fait la révolution bolchevique, qui est une révolution anti-russe, parce que je rappelle que dans l'URSS, il n'y a même pas le mot russe, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, et qu'après, finalement, que les juifs bolcheviques, qui avec les géorgiens faisaient pratiquement 100% du pouvoir sur l'URSS, quand à un moment donné ils ont perdu la main, ils ont décrété au moment des réfugiés que non seulement les juifs n'avaient rien à voir avec la révolution bolchevique, mais que c'était lié à l'éternel esprit russo-slave. Hein. Et ça, celui qui a montré ce virage à 180 degrés et ce mensonge explicite, c'est Solzhenitsyn dans deux siècles ensemble, hein, et qui est le moment d'ailleurs où Bernard Lévy, qui n'avait que Solzhenitsyn à la bouche pendant des années avec le goulag, produit son adieu à Solzhenitsyn. Hein. Donc on voit très bien que systématiquement, ces gens-là se repositionnent sans vergogne pour leur pur intérêt stratégique de domination. On peut aussi parler de Finkielkraut qui pendant des années a accompagné l'immigrationnisme français en étant un des saints patrons de SOS Racisme et en étant d'ailleurs toujours membre d'honneur de la LICRA et qui aujourd'hui dit que le problème c'est l'islam et qu'il faut réconcilier la France sur le dos des musulmans alors que ces musulmans qui sont devenus le bouc émissaire désigné par Finkielkraut, ont été introduits en France contre même l'avis des Français par l'immigrationnisme, hein, puisque le musulman d'aujourd'hui, c'est l'immigré d'hier. Hein. Donc on voit bien chez Bernard-Henri Lévy ou chez Finkielkraut une inversion, toujours une stratégie triangulaire de domination par le divisé par régner, avec des inversions de stratégie triangulaire. Et ça, si vous étudiez l'histoire depuis 2500 ans, c'est systématique. Hein. Et malgré cela, Dieudonné, un espoir, vous accueillez au Théâtre de la Main d'Or Yonatan. C'est ça, un jeune talent de confession juive, disons-le. Comment ça se passe ? Ben, ça se passe qu'il a commencé il y a quelque temps. Il est venu, carte blanche, tu dis ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Moi, je ne suis pas son producteur, mais je suis simplement... On est en co-réalisation, la salle et lui. Et donc, il est totalement libre dans ce qu'il fait. Et je crois que... Il essaye, c'est pas facile, parce que je crois qu'il a été menacé, il m'a dit, par des gens de la LDJ, je ne sais pas, je sais pas exactement qui. Je ne sais pas comment il va évoluer. Ce que je sais, c'est qu'il a un talent, il se met en risque. Je n'ai pas encore vu son spectacle. Je sais qu'il n'est pas forcément tendre, ni avec moi, ni avec Alain, ni avec... Il paraît, oui. Ouais, bon, mais justement, c'est ça, il faut que chacun puisse s'exprimer, moi je suis pour ça. Et le fait qu'il vienne jouer à la main d'or, bon, c'est bien. C'est hautement symbolique. C'est symbolique, et puis moi ce qui m'intéresse avec le temps, c'est d'observer... De remettre du dialogue là où il n'y en avait plus, essayer de discuter. On parlait de Bernard-Henri Lévy, je reviens juste dessus. Moi, je pense que ce qui est très intéressant avec Bernard-Henri Lévy, c'est qu'il est le maître étalon de cette imposture, c'est-à-dire qu'il ne vend aucun livre, personne ne l'écoute, il n'intéresse personne. Il nous est imposé par des médias dominants qui manipulent depuis des années, mais qui ne fonctionnent plus. Et Bernard-Henri Lévy, c'est vraiment l'exemple type du mec qui, en réalité, n'intéresse personne. Réellement. C'est le symbole et le symptôme. Ouais. Et c'est... Alors, je reviens au spectacle de Yonatan, mais je crois que dans la communauté juive, je crois, il m'a parlé de Bernard-Henri Lévy, par exemple. Jonathan me dit, ben voilà, moi, je me suis pas représenté par Bernard-Henri Lévy. Et c'est dans ses intentions, en tout cas, de départ, c'était de mettre le doigt, de critiquer, de permettre à chacun de rire, de dire qu'il faut rire aussi des juifs, il faut rire de tout le monde, et chacun doit pouvoir avoir le droit de le faire. Bon, qu'est-ce que ça va donner? Encore une fois, c'est une tentative. On voit, on regarde, on observe, et puis, en tout cas, il l'a fait. Il le fait. Il est en ce moment au Théâtre de la Main d'Or pour ça. Il y a quand même une petite note d'espoir, c'est que moi je suis contacté quand même par beaucoup de, on va dire, de jeunes juifs qui ont, disons, la trentaine, qui me disent je comprends un peu votre agacement, nous sommes inquiets de la stratégie de nos vieux meneurs qui ne comprennent plus rien à la réalité contemporaine et qui disent on n'a pas du tout envie d'être représenté par un vieux Kuckerman ou des types comme ça qui sont encore sur des visions du monde qui remontent dans la séquence 30-45 là. Et en fait, il serait peut-être temps que la jeune génération des Juifs de France prenne le pouvoir pour le bien de la fraternité républicaine, parce que je pense que ce qui pèse surtout, c'est les vieux schnock, hein, et Bernard Lévy en fait partie, hein, il y a beaucoup de jeunes qui me disent qu'ils trouvent Dieudonné très drôle, et je reçois beaucoup de témoignages, hein, et qui sont inquiets de, comment dirais-je, de cette volonté de punir, et de punir de façon explicite, c'est-à-dire de démontrer un pouvoir. Si je me rappelle quand Dieudonné se fait chasser de Hong Kong avec la complicité de l'ambassade de France, qui normalement doit protéger ses ressortissants, pas aider à les faire châtier par une puissance étrangère, cette démonstration de force systématique, cette arrogance, cette brutalité qui ressemble beaucoup à la stratégie israélienne envers les Palestiniens, inquiète pas mal de juifs intelligents. Ils disent qu'à un moment donné, ça pourrait avoir des effets négatifs et il pourrait y avoir comme du retour de bâton. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que des gens qui se prétendent si intelligents retiennent si peu les leçons de l'histoire. Il y a quand même des récurrences depuis 2500 ans. Alors peut-être que ces gens pensent qu'on arrive à la fin des temps et que le Messie va arriver et va effectivement leur permettre de comment dirais-je, de transformer l'essai. Parce qu'il faudra une intercession divine pour qu'ils puissent transformer l'essai. Parce que pour que, comment dirais-je, Bernard Lévy finisse par avoir raison et que la majorité des Français admettent effectivement que la France est juive et qu'elle a été faite par les Juifs, il faudra que Dieu redescende sur Terre. Sinon, ça ne se passera pas. Ce n'est pas possible parce qu'on peut mentir à quelques personnes tout le temps. Hein, on peut mentir à tout le monde quelque temps, mais on peut pas mentir à tout le monde tout le temps. Hein. Et ce que je suis étonné, c'est la question que je pose, comment ces gens-là pensent-ils pouvoir échapper, comment dirais-je, aux lois de l'histoire, aux récurrences de l'histoire et aux lois hegeliennes de l'histoire? Il faut vraiment que ces gens-là soient des mystiques et qu'ils pensent réellement que, comment dirais-je, le Messie va venir les aider à, comment dirais-je, à transformer l'essai. Sinon, ça va forcément mal se passer pour eux et mal finir pour eux, comme ça l'a toujours été dans l'histoire, puisque je rappelle que mon très cher ami, le rabbin Ron Chaya, nous rappelle bien que tous les 33 ans, ça se passe mal quelque part. Et Bernard Lazare explique bien que, effectivement, il faut chercher les causes en soi et pas toujours chez l'autre. Je rappelle d'ailleurs, autre remarque, que le peuple juif, d'après ses leaders, est le peuple, peut-être c'est pour ça d'ailleurs que c'est le peuple messie, qui ne commet jamais aucune faute, qui n'est jamais responsable de rien et qui est toujours victime et seulement victime. C'est-à-dire que je n'ai jamais entendu un responsable juif dire « nous avons commis des erreurs, ça peut être de notre faute » ou « nous allons changer de stratégie », etc. Ces gens-là sont purs de toute tâche. C'est-à-dire que même le péché originel, ils ont dû y échapper. C'est toujours la faute des autres. Hein. Partout, hein, tout le temps et en tout lieu. Hein. Et là, ça pose des problèmes, je dirais, de logique, pratiquement. Des problèmes d'intelligence pure. Hein. Et tout le monde est obligé, à un moment donné, s'il se pose la question, d'en arriver aux mêmes conclusions historiques et logiques que votre humble serviteur. Xavier ? Non, mais c'est le prochain film d'Yvon Attal où la France devient un pays juif. C'est dans le scénario qu'on a pu consulter. Donc la France devient un pays juif et Marine Le Pen est tondue d'ailleurs dans ce film. Ouais, elle s'appelle Eva et elle est tondue par son compagnon qui est juif. Ouais, c'est assez symbolique. Alors sinon, à propos de ce que vous disiez tout à l'heure, sur Internet, vous avez vu que il a été demandé à Manuel Valls d'instaurer un état d'urgence sur Internet. Ouais, j'ai appris ça et bon, évidemment, je nous sens d'ailleurs visés. Mais ça va être très compliqué parce que sur Internet, évidemment, il y a cette capacité d'adaptation et de rebond qui n'existe pas dans l'ancien monde. Ils pensent qu'ils vont pouvoir arrêter, stopper, mais c'est impossible. Puis il y a les restes d'âme française. C'est qu'on a dit aux Français qu'ils étaient les maîtres de la pensée libre, le pays de Descartes, c'est-à-dire de la logique. Et à un moment donné, la France est en train de devenir une dictature. Dictature du politiquement correct au nom de la défense des minorités systématiques. À un moment donné, il y a peut-être des peuples qui sont habitués à ce genre de verticalité. Je ne sais pas, en Chine, le quant à soi chinois est peut-être moins une tradition. Mais nous sommes les maîtres du monde du quant à soi. Nous avons prétendu en accoucher pour le monde et l'histoire. Et à un moment donné, que la France devienne une dictature, la France des droits de l'homme, la France de la laïcité, la France de Rousseau et Voltaire, la France de Victor Hugo, devienne une dictature de gens qui se réclament de l'État d'Israël, qui prétendent être le peuple élu, et qui prétendent que la terre leur est promise, c'est des contradictions tellement énormes, tellement massives et tellement visibles, que effectivement, il faut une dictature implacable pour que ça puisse fonctionner. Le problème, c'est que quand un pouvoir commence à tirer dans la foule, d'une certaine manière, commence à faire arrêter ses généraux, commence à saquer les gens qui contestent l'idéologie dominante, que soient même les mecs qui présentent le bulletin météo. Au bout d'un moment, rappelez-vous, quand le tsar fait tirer sur la foule en 1905, c'est ce qui amène la révolution quelques années après. On a ça d'ailleurs dans tous les régimes un peu violents, on a vu ça en Égypte, on a vu ça ailleurs, c'est que quand un pouvoir est visiblement très illégitime et commence à exercer une violence abusive sur les gens qui représentent le peuple et qui représentent le génie de la nation, et là, personne ne pensera à Bernard-Henri Lévy, à terme, ça ne peut que mal tourner. Ou alors, il faut vraiment qu'on rentre dans un âge noir de dictature totale. Mais quand on voit la violence qu'était la dictature soviétique, ça n'a quand même tenu tout ça que 70 ans. Par rapport à la longue histoire, c'est très peu. Par contre, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrances et de morts. Et là, l'avenir de la France, on est face à, comment dirais-je, un choix, je veux dire, une alternative de plus en plus radicale. C'est soit, on voit que c'est en train de péter de partout, donc soit ça va être la dictature de M. Valls et de M. Kuckermann ou de son successeur. Je sais que là, ils ont choisi très habilement un Oranais, parce qu'il va falloir gérer les cousins. C'est plus le problème des Polonais, maintenant, c'est les cousins qui s'appellent gérer. Khalifa. Juif algérien, non. C'est le grand calife. Non, mais je pense que ça a à voir effectivement avec la gestion de nos ex-chances pour la France devenues problème islamique. On peut analyser tout ça. Donc, est-ce que la France demain, ça sera la dictature de M. Valls avec le CRIF et la LICRA, ou est-ce qu'à un moment donné, les Français vont reprendre la maîtrise de leur destin avec quelque chose de l'ordre d'un sursaut bonapartiste, ce qui est un peu la tradition française. Et ça, c'est demain. C'est pas dans 30 ans. C'est demain. Alors, il est possible qu'effectivement, le mal gagne, et puis que nous finissions mal, au sens du confort quotidien. Mais de toute façon, tout ça se joue demain. Et ça se passera pas en douceur. Je pense que c'est déjà trop tard. Dieudonné, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent vous voir les jeudis, vendredis et samedis au Théâtre de la Main d'Or ou dans toute la France puisque vous êtes actuellement en tournée avec votre spectacle En Paix. Les réservations se font sur le site www.dieudosphère.com. Dieudonné, Alain, merci beaucoup d'être passé nous voir. Que la paix soit avec vous. Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À la semaine prochaine. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez réagir en commentaire sur le site d'Égalité et Réconciliation. Nous prenons en compte, bien évidemment, toutes vos remarques. Chers invités, chers auditeurs, nous allons nous quitter en musique sur les notes de Stéphane Blé. Son album Figure Libre est disponible sur le site contreculture.com. Il joue pour nous aujourd'hui la toccata de Khatchaturian. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.